nanga ite wana boyenge bene na yo papa konga na molingo papa konga na mawangolo papa konga na mawangolo oh Yahweh papa konga na mawangolo osalisa mesu mama Yahweh kumama oh bongwe nite mama Yahweh kumama osali kolo nanga Salam. tokolanda masinde Bana sese tokolanda masinde Na la guarde pie tokolanda masinde Dodo na François tokolanda masinde Alena la di tokolanda masinde Mama tutu tokolanda masinde Mama molombo tokolanda masinde Mama tokolanda masinde

pour un zambé soka moto nyoso di. Comme ça. Allez moto moto moto moto moto moto moto moto moto na LSC moto et moto. Salamote kiti, ekiti, ekiti, bolimo sata kiti, akiti, akiti, salamote nzambe kiti, ekiti, ekiti, bolimo sata kiti, akiti, akiti, salamote nzambe kiti, ekiti, ekiti. Vine la mano con kangie wana nie kangie

tant que nous resterons vivants, la série de rumba continuera. Aussi longtemps que nous resterons vivants, la série de rumba continuera. Yes, rumba de Yesu. bagaye, yaya si bagaye, saya si bagaye, yaya si bagaye, soki otiki daye, na kokoye, soki otiki daye ya, na kokunge, mama na kokunge, na kokunge, mama na kokunge. Thank you. tout à toi, tout à toi, toute ma vie, Jésus à toi, tout à toi, tout à toi, toute ma vie, Jésus à toi, comme moi, il n'en est pas d'ailleurs, Jésus, car ma taille à moi. Dima, ouais, Dima, Dima, ouais, Dima, ouais, Dima, Dima, ouais, Dima, Dima, ouais, Dima, Dima, ouais, Dima, Dima, Thank you. c'est le Christ qui vit en moi. Et il m'a racheté par son sang précieux. Oh, yeah, be so long, boy, yeah. Mon sou soit comme Michelangelo, ni.